mêlé v davu všem souvěn. Souvent il y avait une fille. Un jour la belle s'en est allée. Sûrement je n'étais plus un gamin. Depuis les années ont passé. L'eau sous le pont n'a rien changé. Je ne suis toujours qu'un bon à rien. Buveur anarchiste et païen. Si tu restais avec moi, tu sais souvent je pense à toi. Si tu restais avec moi, c'est un rêve que je fais parfois. Parfois, j'aurais voulu faire dans la vie vétérinaire ou bien toubib. Mais comme mes vieux n'avaient pas de roue, je me suis lancé dans la chanson. T'aurais dû rester avec moi. Tu sais souvent, je pense à toi. Dans ce logis de bas quartier qui fait toujours un peu pitié. Si tu restais avec moi, c'est un rêve que je fais parfois. Si tu restais avec moi, ici il ferait un peu moins froid. Moins froid. Quand l'inspiration ne vient plus, tu me dis je suis revenu. Comment ça va? Bonsoir chérie. Et bon sang qu'il fait froid ici. Tu me donnes ton cœur et ton sourire. Tu me donnes enfin la vie d'artiste. Tu m'aimes tel que j'aurais voulu. Tu t'enfuis le matin venu. Si tu restais avec moi, tu sais souvent je pense à toi. Rester avec moi, c'est un rêve que je fais parfois. Parfois, je retrouve ma solitude, ma reprend ses habitudes. Le succès qui ne viendra pas. Et toi, je sais, tu reviendras. Si tu restais avec moi, c'est un rêve que je fais parfois. Si tu restais avec moi, ici il ferait un peu moins froid. Moins froid. tu restes avec moi. Si tu restes avec moi. Si tu restes, si tu restes.